cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. On continue l'étude de hadha as-sifr al-mubarak, kitab Rawdat al-Uqala li al-imam Ibn Hibban al-Busti rahmatullah alayhi. Et on était arrivé au 27e chapitre. قال رحمه الله ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق. Ce chapitre fait التوكل, et placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça suit, c'est lié plutôt au chapitre précédent. Tadhkurun les chapitres précédents sur at-tama' wa al-mas'ala thumma al-qana'a. On avait montré que ces trois chapitres, ils étaient liés. وكذلك هذا الباب في التوكل. لماذا؟ لأن celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, فلا شك ولا ريب أنه il s'écartera de أو من هذا الطمع et fera les asbab, il fera les causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne. كذلك من توكل على الله سبحانه وتعالى فإِذْ سَكُنْتَنْتَرَا de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. Tous ces abwab qu'on a lu, les trois précédents et le chapitre d'aujourd'hui, ils sont liés. قال رحمه الله ذكر الحث على لزوم التوكل على من ضمن الأرزاق. الحث على لزوم التوكل أي المؤمن doit faire des efforts pour placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est الرزاق. قوله على من ضمن الأرزاق c'est الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. Et dans l'autre verset قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Donc celui qui donne c'est الله سبحانه وتعالى. Celui qui a tout décrété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui possède tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala al-mu'min, le croyant, il doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est malik hadha al-kawn. C'est khaliq hadha al-kawn, celui qui a tout créé, celui qui possède tout. Et c'est le seul qui peut donner ou retirer. Fa'ala, on doit placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. Wa fi al-Qur'an qawluhu Azza wa Jal wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et qawluhu Azza wa Jal alaysa Allah bikafin 'abdah. Et beaucoup de ayat fi bab at-tawakkul. Fa 'ala kulli hal al-mu'min il doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. C'est min a'dham al-ibadat, c'est une adoration du cœur et elle est très très profitable pour le mu'min. كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل dans ce kitab. قال رحمه الله أخبرنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي بالبصرة قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني حميد بن هاني الخولاني قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة. لماذا إلى ستي هذا الحديث في باب التوكل رحمة الله عليه إلى ستي سو حديث أي concernant القدر, le destin. Pourquoi? لأنه le lien il est clair entre القدر, أي le fait que Allah سبحانه وتعالى il a tout décrété, et le destin. قوله قدر الله المقادير, Allah il a tout décrété. قبل أن يخلق السماوات والأرض, avant la création des cieux et de la terre, بخمسمائة سنة, أي 500 ans. avant la création des cieux et de la terre. قال في الحاشية أخرجه الحديث اللي في صحيح مسلم لكن بلفظ عنده بخمسين ألف سنة. نعم المعروف في صحيح مسلم 50,000 ans. 50,000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et هنا dans ce hadith que l'imam Ibn Hibban il a rapporté cette narration 500 ans. ولا شك أن ما في صحيح مسلم c'est صحيح. Donc 50,000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout qadr, il a tout écrit. Et dans une autre riwaya, dans un autre hadith, un nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لما خلق الله القلم قال له اكتب. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé le qalam, la plume, il a ordonné cette plume d'écrire. فقال ما اكتب. قال الله عز وجل اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى lui a ordonné d'écrire tout ce qui se passera في هذا الكون et dans cet univers jusqu'à la fin des temps. On revient à la relation, le lien, la liaison entre هذه المساله, هذا الباب العظيم, اي le destin, et التوكل. فلا شك ان من علم بل من كان على يقين, celui qui n'a aucun doute, qui est sûr, qui a la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit, il a tout décrété, voilà, chacun il placera sa confiance en Allah. Limadha? لأن الله سبحانه وتعالى tout ce qu'il a décrété, مثلا pour un tel من الناس, comme risque, argent, enfant, santé, durée de vie, etc. Enfin, cet être humain, il aura cette chose, ni plus ni moins. فمن كان على يقين, celui qui a la certitude, celui qui a هذا الإيمان الجازم, qui n'a aucun doute, voilà, chaque, on répète, il n'y a aucun doute, أنه, il placera sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus l'insan il a des faiblesses في هذا الباب, في هذا الإيمان أي بالقدر, plus il aura des difficultés à placer sa confiance en Allah عزب وجل. فالخير كله, فالخير كله في الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Tout le bien se trouve في هذا المعتقد, cette croyance, أي les six piliers de la foi. On peut citer un autre hadith في هذا الباب وتقدم معنا كثيرا dans certains دروس dans l'explication de نعم الأربعين النووية. الإمام النووي l'a cité, ou plutôt الحافظ ابن رجب il l'a ajouté, il l'a ajouté dans les hadiths que l'imam النووي l'a cité, il a ajouté 8 hadiths pour compléter le nombre de 50 hadiths, et il les a expliqués dans Jami'a al-Ulum wal-Hikam. Et il a ajouté hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمع النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول le prophète أو عمر رضي الله عنه il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله, أي si vous placeriez votre confiance en Allah سبحانه وتعالى comme il se doit, حق التوكل, أي une certitude, ou plutôt un التوكل complet, une certitude complète sans aucun doute. فلو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الله سبحانه وتعالى il vous aurait donné comme il donne aux oiseaux. Et تأمل هذا المثال. On doit réfléchir sur cet exemple. حال الطيور, les oiseaux qui vivent avec nous et on les voit tous les jours. حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصة وتروح بطانة. Le matin, les oiseaux, comme la plupart des créatures, ils se déplacent pour rechercher leur subsistance, et le soir, quand ils retournent dans leur nid, alhamdulillah, ils sont rassasiés. بطانة, ça vient du mot batn, et leur ventre il est plein. فهكذا المؤمن, s'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera comme il donne aux oiseaux. Et تأمل قوله عليه الصلاة والسلام تغدو وقوله تروح. العلماء يقولون أن هذا فيه إشارة إلى فعل الأسباب. أن ces oiseaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité comme exemple, ils ne restent pas dans leur nid en prétextant que la subsistance elle va venir. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés ainsi. Yanahum, tous les matins ils se déplacent pour manger et ils reviennent le soir. هذا فيه فعل الأسباب. هكذا نحن en tant qu'être humain, كذلك on doit faire les causes. Ama celui qui reste chez lui, qui ne fait pas de cause et qui prétend annahu il est mutawakkil ala Allah subhanahu wa ta'ala, هذا c'est pas sahih, هذا c'est complètement faux. Wa sayati insha Allah fi at-ta'rif. Ce hadith qu'on vient de lire ensemble, rawahu al-Imam Ahmad et Cheikh Al-Albani il l'a sahih dans Sahih al-Jami'. وهكذا الشيخ مقبل إلى حسن دان الصحيح المسند أي الحديث qu'on vient de lire عن عمر رضي الله عنه. On peut faire un bref résumé sur التوكل avant de lire كلام ابن حبان حتى c'est plus clair. Et تذكرون ceux qui ont étudié معنى كتاب التوحيد, on avait expliqué هذا لأن في كتاب التوحيد il y a un باب, باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et Al-Ulama, il donne des notions importantes sur At-Tawakkul qu'on va essayer de résumer ici. Amma At-Ta'rif, la définition du Tawakkul, فَمِنْ أَحْسَنَ التَّعَرِيفِ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ Ibn Rajab, rahimahullah, fi Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il a expliqué At-Tawakkul bi qawlihi, rahimahullah, huwa sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah azza wa jal. في استجلاب المصالح والدفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. Donc c'est ça التوكل. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. Ça nous montre أن التوكل c'est من أعمال القلوب. C'est une adoration du cœur. Et là je sais que cette adoration a un impact sur les membres. Enfin, celui qui a ce التوكل, ça se verra dans la vie de tous les jours, dans ses faits et gestes, dans sa façon de comporter. De se comporter dans sa façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Fa ala kulli hal qala huwa sidq i'timad al-qalb ala Allah. I'timad bis-sidq. Al-i'timad c'est le fait de s'accrocher, de s'attacher à une chose. Fa hada al-qalb ya'timid ala Allah bis-sidq. Qala fi istijlab al-masalih wa daf' al-madar. Ay su'bd, il place sa confiance en Allah, il espère d'Allah Azza wa Jal, il n'a aucun doute أن الله سبحانه وتعالى lui donnera ce qu'il a besoin, des choses profitables pour son din, مثلا manger, boire, etc. Et كذلك les exemples qu'on vient de citer pour dunya ou pour son din, la science, la foi, التوفيق, la guider, etc. والدفع المضار, كذلك placer sa confiance en Allah سبحانه وتعالى, n'avoir aucune certitude que Allah سبحانه وتعالى il repoussera les choses néfastes qui peuvent te toucher. Min umur ad-dunya, la pauvreté, les maladies, etc. Ou kadalik fi ad-din. Et ma yata'allaq plutôt bid-din. Donc, hada c'est un ta'rif assez complet. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, zada, dans son explication de Kitab Tawhid, al-Qawl al-Mufid, il a ajouté une précision importante. Qal wa fi'lu al-asbab. Wa fi'lu al-asbab al-ma'adhun fiha. Et cet ajout, il est important. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est un acte du cœur qu'on vient de résumer. Et كذلك من التوكل فعل الأسباب. Et faire les causes. On a cité l'exemple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans le hadith Omar radiyallahu anhu avec les oiseaux. هكذا الذي يتوكل على الله, que ce soit في أمور دينه أو أمور دنيا, que ce soit concernant la religion ou أمور الدنيا, les choses de ce bas monde, on doit appliquer هذا الحديث مثلا, ou plutôt هذا التعريف مثلا, concernant le bas monde. Si l'insan il a besoin de choses pour vivre, et on a tous besoin مثلا de nourriture, d'argent pour acheter de la nourriture, pour acheter à boire, pour se loger, pour se vêtir, si on applique هذا التعريف في هذا الباب, on doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit avoir la conviction, la certitude que celui qui peut nous donner, qui nous donnera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, on doit faire les causes. وفعل الأسباب. On doit faire les causes. Et تأملوا la précision de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, المأذون فيها. أي les causes permises. أما celui qui fait des causes حرام فهذا لا شك أنه il place pas sa confiance en Allah عز وجل. Il fait du حرام. Les causes, il faut qu'elles soient permises, halal. Elles ne contredisent pas notre dîn ou une partie de notre dîn. هذا في أمور الدنيا. On peut citer un exemple, مثلاً, où واحد veut un enfant. Et ça, c'est un مقصد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Donc النبي صلى الله عليه وسلم nous a encouragé à avoir à faire des enfants. فالذي يريد ولدا il doit placer sa confiance en Allah سبحانه وتعالى أي il doit avoir la certitude la conviction qu'il y a que Allah سبحانه وتعالى qui peut lui faciliter qui peut lui donner cet enfant. Personne d'autre. لكن il doit faire les causes. Celui qui veut un enfant, il ne se marie pas. Il ne fait pas les causes pour avoir un enfant. Enfin, ça, c'est pas min al-tawakkul à Allah. Ça, c'est min khida' iblis. Ça, c'est min al-inhiraf, c'est de l'égarement. Enfin, ça, al-tawakkul, on doit bien sûr faire les causes. Donc, on a cité deux exemples fi umur al-dunya. Amma fi umur al-din, c'est la même chose. Mathalan, wahed, il veut faire le hajj. فيجب عليه أن يتوكل على الله. يدوى بلاسي سا كونفيونس ان الله سبحانه وتعالى. ياك الله كي بو لي فاسيليتي. مع هذا يدوى فير لي كوز. سي إل هابيت لوان دو مكة. يدوى فير لي كوز بور بوفوار سو ديبلاسي. اشتي ان بيي دافيون. ثم يدوى فير لي كوز بور سو ديبلاسي. اكسيتيرا. جوسكا سكيل فاس سون حج. أما يغشي لوي يفي أوكان إيفور. فهذا سي با من التوكل. وهكذا سولي كي فو إتر غيدي. لا غيدي إلا دي كوز. Et parmi les plus grandes causes, c'est الدعاء, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina fi man hadayt. Hakada qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à son petit-fils al-Hassan radiyallahu anhu, hada al-dua. Il est connu, dua al-qunut. Wa hakada qawluhu azza wa jalla yahdina as-sirat al-mustaqim. Tous les jours on demande hadihi al-hidayah. C'est une cause azima. On doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui peut nous guider. Et on doit faire les causes. Ou min a'zami al-asbab après ad-du'a al-'ilm. Limadha li'anna la guider elle est fondée sur la science. Enfin, celui qui veut être guidé, il place sa confiance en Allah. Il demande à Allah azza wa jalla, il fait les causes, il apprend. Il apprend son din pour pouvoir suivre cette guidée. Hada at-ta'rif qu'on a cité de Al-Hafidh Ibn Rajab et cet ajout de Cheikh Ibn Uthaymeen pour compléter. On répète le ta'rif, sidqu اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وزاد الشيخ ابن عثيمين وفعل الأسباب المأذون فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى une célèbre phrase concernant الأسباب وهي قوله عليه رحمة الله الاعتماد على الأسباب الشرك وترك الأسباب قطح في الشريعة. Le fait de s'accrocher aux causes, c'est du shirk. لماذا؟ لأن celui qui donne, celui qui guide, celui qui donne les enfants, celui qui donne la santé, la guider, les exemples qu'on a cités et d'autres. Celui qui donne tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. S'accrocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en autre qu'Allah azza wa jal, فلا شك أن هذا c'est min al-shirk. Donc, les ulama citent un tafsil. Quand est-ce que c'est du shirk akbar? Quand est-ce que c'est du shirk asar? Hada taqaddam ma'ana dans kitab tawhid. Si on a le temps à la fin du cours, on essaiera de résumer. Donc, al-i'timadu ala al-asbab shirk. Mathalan, celui qui tombe malade. On doit faire des causes pour se guérir. Prendre des médicaments, etc. Que ce soit al-tib al-nabawi ou al-tib al-hadith d'aujourd'hui. À la kulli hal, on doit faire les causes. Celui qui s'accroche à la cause et qui pense que c'est la cause qui guérit, va hada la shaka annahu c'est du shirk. Amma al-mu'min fa la ya'tamid 'ala as-sabab et kadhalik idlas pas as-sabab. Lianna celui qui délaisse as-sabab, hada qat'un fi ash-shari'a. Celui qui délaisse les causes, rubbama idlasra son din. Il ne se soigne plus, ne fait plus les causes pour être guidé, ne fait plus les causes pour délaisser le haram. ويهلك مع الهالكين. Donc ces deux points, الاعتماد على السبب شرك. نعم, s'accrocher au sabab, placer sa confiance dans le sabab, c'est du shirk. لماذا؟ لأن سي الله كي بوسيد تو، سي لوي كي دان، سي لوي كي روتير، سي لوي كي إلف، سي لوي كي رابس جل وعلا. وترك الأسباب ديلي سيليكوز قدح في الشريعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بأخذ الأسباب. سي اون غوفيان أو ميثال دو مالاد دو لا غيريزون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا. سي ان أوردر من النبي عليه الصلاة والسلام دو سو سواني، فير دي زيفور pour rechercher la guérison بإذن الله عز وجل. فالسلوي كي دلس هذا لا شك أنه سي قطع في الشريعة. نعم il aura des manquements dans son دين. Et لا شك أنه il peut s'égarer à tout moment. On finit cette brève introduction بقول ابن القيم رحمه الله. Et c'est un كلام جميل في بيان تحقيق التوكل. On a compris le sens. On a compris l'importance. Et هناك أمور pour حقق ce توكل. Et comment être ferme في هذا الباب؟ Comment augmenter sa certitude؟ Comment augmenter son توكل؟ قال رحمه الله في كتابه النفيس طريق الهجرتين: التوكل يجمع أصلين. التوكل il est fondé sur deux bases, deux fondements essentiels. قال علم القلب وعمله. Ces deux bases. Le tawakkul il est fondé sur ilm al-qalb, la science qui est dans le cœur, et كذلك la deuxième base, le deuxième fondement, la mise en application. La première قال أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. Cette عقيدة qui est essentielle في هذا الباب. Et c'est cette croyance qui va permettre à l'insan d'augmenter son tawakkul, de n'avoir aucun doute, d'avoir une certitude complète, yaqin, être certain que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut repousser tous les méfaits qui peuvent te toucher. قال وكمل قيامه بما وكله إليه وأن غيره. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui gère tout, qui est capable de te donner ou de te retirer une chose. Et غير الله عز وجل لا يقوم مقامه في ذلك أبدا. Les créatures, elles sont faibles. Et celui qui possède tout, qui gère tout, c'est Allah. Donc, ce point, il va te donner قوة وثبات ويقين في قلبك. Tu auras de la force, de la fermeté et de la certitude dans ton cœur. Le deuxième point, عمله. قال فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أموره إليه أمره إليه. Le premier point c'est علم, la science du cœur. Le deuxième point c'est عمل القلب, c'est les actes du cœur. Ton cœur avec هذا اليقين كذلك سيتحرك. Si tu as cette certitude dans ton cœur, ça va faire bouger ton cœur. فسكونه إلى وكيله, ce cœur il va être apaisé, calme. Lemada, لأنه il aura la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère tout. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. وتفويضه وتسليمه وتفويضه وتسليمه أمره إليه. كذلك أن هذا الإنسان va accepter le décret d'Allah azza wa jal. Vous pouvez remarquer le lien direct avec le chapitre précédent Al-Qana'a. Enfin, celui qui a cette certitude, ça va lui faciliter le tawakkul et le qana'a. لماذا؟ لأنه il accepte, il est satisfait de ce que Allah lui a donné. قال ورضاه بتصرفه له. كذلك il acceptera tout ce que Allah il a décrété كما تقدم. قال فوق الرضا. نعم, donc رضا الله سبحانه وتعالى, la satisfaction d'Allah سبحانه وتعالى, ce que Allah il aime, ce que Allah il a décrété, ça passera avant ses propres envies. Même si il a été touché par une chose à la base, c'est une chose qu'il ne désire pas, mais quand Allah il lui a décrété, il accepte. Et un niveau encore plus élevé que le fait d'accepter, rida. Et كذلك, un niveau élevé, ça peut le pousser au shukr, à être reconnaissant, même s'il est éprouvé. قال فبهذين الأصلين يتحقق التوكل. Avec ces deux fondements, يتحقق التوكل. Le tawakkul il sera renforcé, fortifié. Et l'insan, il n'aura aucun doute. في القول المفيد le chapitre نسيت le le numéro exact. قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع والدفع الضر. Ça c'est توكل qui est une adoration. Et avoir la certitude, la conviction que celui qui est capable de donner, de retirer, d'élever, de rabaisser, de guider, d'égarer, etc., c'est Allah Azza wa Jal. قال فيعتمد عليه اعتمادا كاملا. Donc le mu'min il place sa confiance totalement en Allah subhanahu wa ta'ala في هذا. قال مع شعوره بافتقاره إليه. فهذا يجب إخلاصه لله تعالى. Ce توكل, l'être humain, il n'a pas le droit de le donner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être sincère في هذا الباب. Pourquoi? Parce que c'est une adoration. Et celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. قال ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. نعم. Ce tawakkul, il fait sortir de l'islam. Il place sa confiance en autre qu'Allah. Il a cité un exemple. قال كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. Comme ceux qui placent leur confiance sur des morts, yadam billah. Mathalan, il est malade, ou il veut un enfant, ou il veut la guider, et il espère, et il a cette conviction, cette croyance, ce mort, il peut lui donner. Donc il place sa confiance en lui. Et cette confiance, elle va le pousser à adorer ce mort, en lui demandant, en allant visitant sa tombe, en se prosternant, en s'inclinant, en tournant autour de sa tombe, etc. Af'al al-mushrikin. Et مجرد cette croyance, même s'il ne se prosterne pas devant ce mort, même s'il ne l'invoque pas, cette croyance, elle fait sortir de l'islam. C'est là la croyance que ce mort, il peut l'aider, il peut lui donner, il peut repousser un mal. لماذا قال وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا. لأن s'il a cette croyance, c'est qu'il croit que ce mort, il est capable de gérer une partie de هذا الكون. Mathalan, s'il a la croyance que son fils il est malade et ce mort il peut le guérir. Donc il a la conviction que ce mort il est capable de guérir. وهذا لا شك أنه c'est du shirk. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, قال الاعتماد على الشخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك. وهذا من الشرك الأصغر. هذا الاعتماد ça affaiblit التوكل. Et on doit faire très très attention. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du premier. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Amma le deuxième, il est très très propagé. Al-i'timad al-shakhs. Bardennas, ils ont dans leur cœur had al-i'timad. On a traduit par le fait de s'accrocher, de s'attacher. Al-shakhs fi risqihi wa ma'ashihi. Ay, pour faire plus simple, s'il n'y a pas cette personne, qu'annahu, il n'aura plus de risque. S'il n'a pas ce travail, qu'annahu, il va mourir de faim. S'il ne vit pas dans telle terre, qu'annahu, il ne pourra plus subvenir à ses besoins. Hada, c'est grave. قال هذا من الشرك الأصغر. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Pourquoi? قال مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه. ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار. Il sait que c'est Allah qui donne. Il sait très bien que cette chose c'est une cause. C'est pour ça que c'est du shirk asghar, contrairement au premier cas. Il sait que c'est Allah qui donne. لكن il exagère dans les causes. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار. أي كأنه si cette cause elle disparaît, son risque va disparaître. Et là, c'est un khata. Pourquoi? Parce que c'est qu'une cause. Cette cause, elle peut disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te remplace par quelque chose de meilleur, de plus profitable, de plus bénéfique. Donc la cause, on doit la laisser en tant que cause. On fait la cause. Madalan, l'exemple qu'il a donné, Cheikh Al-Uthaymeen, il est tayyib. Al-Wadifa. Et ceux qui travaillent, ils ont un emploi. Si cet emploi, il disparaît, l'insan, il est licencié, l'insan, il change de pays. Mouhim, il abandonne ce travail, ou il se fait renvoyer autre. Enfin, en aucun cas, dans son cœur, il doit penser que, khalas, il va avoir un manquement dans le risque. Abadan. L'imad al-yana, c'était une simple cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne tous les jours, à chaque instant, à des milliers, millions, milliards de créatures leur arzak sans ce travail. Un taï t'a donné ce travail, un autre il lui a donné autre chose. Et si tu n'as plus cette cause, Allah il te remplacera par autre chose. Qala فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب. نعم إلى نكس. C'est pour ça que بعضهم tellement qu'ils ont peur d'être licenciés, ربما ils font des concessions sur leur dîn. Et huna, on s'aperçoit clairement que c'est une faiblesse dans le tawakkul et une faiblesse dans la foi. مثلا, ce travail ne peut pas faire salat à l'heure, كأنه, si il change de travail, il ne pourra plus vivre. Donc il continue ce travail en délaissant la salat. هذا, il exagère dans la cause. لماذا لأن cette cause elle le pousse au haram. Donc normalement, il n'a pas le droit de l'accomplir. قال رحمه الله فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب. والله المستعان. هذا الكلام من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله نعم في القول المفيد شرح كتاب التوحيد فبهذا ولله الحمد avant la lecture on a des notions simples importantes في باب التوكل ولله الحمد والمنة قال ابن حبان رحمه الله الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق إذ التوكل هو نظام الإيمان الواجب pour chacun d'entre nous c'est de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من تكفل بالأرزاق. نعم. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala تكفل. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui الرزاق. Il a promis de donner à ses serviteurs. Donc on doit avoir aucun doute fi hadha al-bab. Qala idh at-tawakkul huwa nizam al-iman. Sahih. Anna at-tawakkul c'est nizam al-iman, c'est ce qui va régler ton iman. Celui qui a un tawakkul qawi, son iman il va monter. Celui qui a des faiblesses dans tawakkul, son iman il descendra. Qala wa qarin at-tawhid. N'am. Et souvent dans certains textes min al-Qur'an ou min as-sunnah التوكل إلى السيدة بك التوحيد قال وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر ووجود الراحة هذه سين فائدة عظيمة كون أبلي كثيرا on dit souvent أن في باب التوكل أي on doit placer notre confiance en Allah سبحانه وتعالى et on dit souvent et بحق ولله الحمد أن il faut faire les causes بل c'est la voix de أهل السنة والجماعة on doit faire les causes هنا الإمام ابن حبان رحمه الله نبه il a fait cette remarque أن التوكل c'est la plus grande des causes donc التوكل c'est une عقيدة c'est une conviction qu'on doit avoir dans le cœur et كذلك التوكل c'est la plus grande cause que tu peux faire et en plaçant ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tu fais une énorme cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne on répète قال رحمه الله وهو السبب أي التوكل c'est la cause المؤدي إلى نفي الفقر pour repousser la pauvreté. Une des meilleures solutions, c'est de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On a cité certaines preuves au début du dars. قال ووجود الراحة الراحة والطمأنينة والسكينة. كم من الناس يرشخش ستراحة. Cette raha, c'est la tranquillité. On recherche tous la tranquillité. Même Al-Kuffar, il recherche la tranquillité. Un être humain normal, il recherche Al-Raha. Min a'zam asbab Al-Raha, c'est tawakkul ala Allah. Si tu tombes malade, tu auras cette raha. Tu seras calme, tranquille. Tu sais que c'est Allah qui a décrété cette maladie. Tu places ta confiance en Allah. Tu fais certaines causes. Bien sûr, en premier lieu, الدعاء, et كذلك الطب النبوي, الحجامة, الرقية, le miel, etc. Et كذلك أسباب, avec la technologie d'aujourd'hui, les médecins, et l'akhira, alhamdulillah, tu es faraha, tu es guéri. C'est une ni'ma min ni'ma illahi azza wa jal. Tu n'es pas guéri, c'est une expiation de tes péchés, kafara, et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera en degré. Si tu patientes et tu es sincère et véridique. Donc, à la kulli hal, si on a cette vision des choses, et on a cette croyance, on sera furah. La pauvreté, tu es touché par la pauvreté, tatawakkal ala Allah. Tu mangeras comme les autres. Tu boiras comme les autres. Idnillah azza wa jal. Par contre, c'est une épreuve. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, fais les causes. Tu n'arrives pas à gagner de l'argent malgré les causes, sois patiente. Un jour, la mort, elle viendra comme tout le monde. Alhamdulillah, si tu meurs, ala hada tawakkul est sincère, tu es sincère pour Allah azza wa jal, ben, tu seras gagnant. Ad-dunya za'ila, ça passe. Ça passe. Et pour tout le monde, kullu nafsin za'iqatul maut. Et tu prends n'importe quelle chose qui à la base fait du mal, si on a cette vision des choses, vous verrez que les difficultés, ça se transformera en facilité. Ça se transformera en raha. Les soucis, l'anxiété, les problèmes, ça se transformera en raha. Ces deux choses, l'iman bil qadar et at-tawakkul ala Allah, comme on a vu auparavant. قال وما توكل احد على الله جل وعلا او قبل ذلك on peut ajouter une parole de l'imam ibn rajab rahimahullah fi nour al-iqtibas un livre sur al-muhabba قال والتوكل من اعظم الاسباب التي تطلب بها الحوائج فان الله يكفي من توكل عليه كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه التوكل على الله c'est une des plus grandes causes si tu veux atteindre tes objectifs. Si tu as besoin d'une chose et tu veux qu'Allah te la donne, n'oublie pas cette cause. On est négligent dans ces causes essentielles de base. Ad-du'a, placer sa confiance en Allah. Et on fait beaucoup plus d'efforts dans at-tawakkul niveau matériel, etc. On ne doit pas négliger les deux. Lakin, on ne doit pas oublier l'essentiel. Celui qui est qawi dans ses bases, la certitude, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il espère d'Allah azza wa jal, même s'il a des manquements dans le reste, il sera à la khayr. Mais celui qui néglige ses bases et il pense qu'au matériel, qu'aux causes physiques, si on peut dire, il aura des manquements. Qala rahimahullah. والتوكل من اعظم الاسباب التي تطلب بها الحوائج فان الله يكفي من توكل عليه. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yakfi. Ça veut dire quoi yakfi? Si on revient au verset, قال عز وجل ومن يتوكل على الله, celui qui place sa confiance en Allah, فهو حسبه. اي كافي. الحسب هنا c'est ان الله يكفي, اي Allah subhanahu wa ta'ala lui suffira. Il lui donnera ce qu'il a besoin. لماذا لأن الله على كل شيء قدير. Voilà, c'est un rappel bénéfique pour chacun d'entre nous. Et quand avec ce genre de fawaid, on le répète, on doit les propager. Fa kam min an-nas, kam min ikhwanina, ils sont bi amass al-haja. Ils ont un énorme besoin fi hada. Certains ils sont malades, certains ils sont touchés par la pauvreté, certains ils sont touchés par des problèmes, certains ils ont du mal à faire la hijra, certains ils ont du mal à apprendre, certains on a tous chacun selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme épreuve, on a tous des difficultés. On a une solution qu'on ne doit pas négliger, ikhwan. On ne doit pas négliger apprendre notre din. Vous avez remarqué que hadhihi al-aqida, al-iman bil-qadar, al-tawakkul, tous ces points qu'on vient de citer, c'est fondé sur la science. Pour les connaître, pour les mettre en application, plutôt, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut faire les causes. Il faut apprendre. فالخير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم tout le bien il est dans l'ilm. قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Donc c'est une ni'ma azima, la lecture, l'étude de ce genre de livre. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يوفقنا جميعا لشكره. قال انتهى كلام ابن رجب. On revient à la parole de Ibn Hibban. قال وما توكل احد على الله جل وعلا من صحة قلبه الا كان الله جل وعلا بما ضمن من الكفالة اوثق عنده مما حوته يده. Celui qui a هذا التوكل فإلى espère et il aura هذا التوكل القوي Il espéra de Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a et ce qu'il peut lui donner. Il aura cette certitude encore plus que ce qu'il a dans ses propres mains. Maintenant, tu as une certaine somme qui peut être profitable, tu peux l'utiliser un certain temps. Faman tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que ce qui viendra après, c'est encore plus sûr que ce qu'il a dans ses propres mains. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sans compter. Ce que tu as, c'est qu'une partie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Amma celui qui s'accroche qu'aux causes et qui a des faiblesses via del bab, il pense que si cet argent qu'il a, elle disparaît ou il la gaspille, si cet argent elle n'est plus, elle disparaît, elle est gaspillée, elle est dépensée, khalas, il va plus manger, il va plus pouvoir vivre. Ça, c'est mine vaf. Et ces pensées, ça fait beaucoup de mal à l'insan. Il vit dans l'angoisse, il vit dans les problèmes, dans les soucis. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu respires l'oxygène tous les jours, et cet oxygène, c'est min rizq Allahi azza wa jal, il n'y a aucun doute. Est-ce que tu t'es déjà levé un matin et tu as eu peur que tu ne vas plus respirer? Là, alhamdoulilah, l'oxygène, il est partout. Hakada boire, hakada les autres choses. Qala rahimahullah. إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui a هذا التوكل dans son cœur, cette certitude, il verra de ses propres yeux les fruits ici-bas de هذا الإيمان. فمن ثمرة أو من ثمرات التوكل قال لم يكله الله إلى عباده. Tellement que ce abdi place sa confiance en Allah, il espère d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera que son serviteur, il n'a pas besoin des autres. On fait le lien avec les chapitres précédents. Il n'a pas besoin de tendre la main. Il n'a pas besoin d'attendre qu'un tel lui donne. Là, il sait que c'est Allah qui donne, il fait les causes. هذا أولا ثانيا قال وآتاه رزقه من حيث لا يحتسب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera من رزقه, من فضله, dont certaines portes elles vont s'ouvrir et l'abd il ne s'y attend même pas. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله, لا شك ان التوكل ça fait partie de التقوى. Celui qui craint Allah, et parmi la crainte d'Allah التوكل, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, Allah il lui donnera toujours une issue. Ahyanan, tu te retrouves dans certaines situations, tu penses que... ou tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Crains Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une issue. Wa yarzuqhu, et il te donnera... min haythu la tahtasib. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et Allah, il lui donnera sans compter. Et هذا الانسان, il s'imaginait même pas. Sahih, ahyanan, un risque, il se présente à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne... Si tu réfléchis, tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Tu n'avais pas pensé à هذا الباب, que cette porte elle pouvait s'ouvrir. Et elle s'est ouverte. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى كريم. فهذا كلام جميل الإمام ابن حبان رحمة الله عليه. قال وأنشدني منصور بن محمد الكوريزي توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي. فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي وَيُقَدِّرُ. Et dans une version, وَيَقْدِرُ مَتَمَا يُرِدُّ الْعَرْشِ أَمْرًا بِعَبْدِهِ يُصِبْهُ وَمَا لِلْعَبْدِ مَا يَتَخَيَّرُ وَقَدْ يَهْلِكُ الْإِنسَانُ مِنْ وَجْهِ أَمْنِهِ وَيَنْجُوَ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ يَحْذَرُ. كلام جميل. إِنَّ مِنَ الشِّعْرَ لَحِكْمَةٌ. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يدن دون امبورتانس ا الشعر الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit إن من الشعر الحكمة. Et dans certains vers de poésie, il y a énormément de sagesse. Et parmi ces vers de poésie, ce qu'on vient de lire. قال توكل على الرحمن في كل حاجة. Et place ta confiance en Allah dans toutes les situations, dans tous les cas. أردت فإن الله يقضي ويقدر. لأن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui décrète, c'est lui qui donne, c'est lui qui décide. قال متى ما يريد العرش أمرا بعبده. Si Allah سبحانه وتعالى décide d'une chose pour son serviteur, يصبه وما للعبد ما يتخير كن فيكون. On n'a pas le choix. Tu ne peux pas repousser القدر, accepter une chose, rejeter une chose. أبدا. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste at-taslim, ou l'istislam, ou l'inqiyad. Il nous reste de se rabaisser pour Allah, de se soumettre et d'accepter. قال وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر لماذا؟ كما قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله sait et nous ne sait pas. فكم من الناس pense que cette chose pour lui elle est bénéfique. Ben, ça peut être la cause de son salut, de sa de najato, et qu'il soit sauvé. Et cette chose, elle le mène à sa perte. قال وينجو بإذن الله من حيث يحذر. Et comme les gens pensent que cette chose, elle peut leur faire beaucoup de mal, il a akhiri, si cette chose elle arrive, ça va les conduire à leur perte. Et cette chose, si elle arrive, c'est la cause de leur salut. هذا ça doit nous pousser à quoi? Placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأنشدني علي بن محمد البسامي أحسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك إن من قد كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك كلام جميل أحسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك صحيح خلق الإنسان فسوى عز وجل c'est lui qui a créé l'insan c'est lui qui t'a donné chaque ni'ma cette santé ce corps tu as été guidé بإذن الله tout cela c'est من الله pourquoi on désespérait pour autre chose. Pour une épreuve qu'on a subie, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous donner. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de choses. On ne doit pas oublier. Et que s'il nous a donné beaucoup de choses, il est capable de tout. Il peut encore nous donner beaucoup. Quand on est éprouvé, on doit patienter et placer notre confiance en Allah. قال إن من قد كان يكفيك الذي كان بالأمس يكفيك غدك. Si tu viens à réfléchir sur ta vie par rapport au risque, maintenant on prend une moyenne de 30 ans. Un frère ou une sœur qui a 30 ans, ça fait 30 ans que tu vis. Si tu es encore vivant, donc pendant les 30 dernières années, les 30 premières années de ta vie plutôt, Allah t'a donné. Tu as respiré, tu as mangé, tu as bu, tu as dormi. Et là, après, alhamdoulilah, tu es vivant, tu es en bonne santé. Même celui qui est malade, il est présent, il est alhamdoulilah. Donc, celui qui t'a donné ces 30 ans, tu dois avoir aucun doute qu'il te donnera kadalik dans ce qui reste de ta vie. Combien il nous reste? Allahu alam, on peut donner une moyenne 30 ans. Certains vont vivre beaucoup moins, d'autres plus, d'autres ils vont vivre à peu près. Moi, ils m'ont qu'à peu près 30, 40, 50 ans. Enfin, n'a aucun doute, celui qui t'a donné les premières années te donnera le reste. فَلِهَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ Un athar jamil عن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل قال إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ هذا الأثر قال روي مرفوعا الى été rapporté عن النبي عليه الصلاه والسلام اي comme quoi c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam لكن الذي يظهر comme il a rapporté ابن حبان c'est que c'est la parole de Abu Darda et الشيخ الالباني لا حسن نعم ورد مرفوعا من روايته اي avec cette chaîne de transmission اخرجه ابن ابي عاصم والبزار وغيرهم وحسنه الامام الالباني فكان الشيخ الالباني حسن même le مرفوع à vérifier, lakin c'est ça que alladhi yadhhar min kalam al-muhaqqiq. Fa'ala kulli hal, que ce soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un athar de Abu Darda, fa al-fa'ida li 'azima. Inna ar-rizqa la yatlubu al-'abd kama yatlubuhu ajaluhu. Ajaluhu c'est la fin de ta vie, c'est ta mort. Comme personne min al-'uqala n'a de doute annahu yamourra, ce qu'on ignore c'est quand et comment. أمن مرة تس كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أو que vous soyez la mort elle vous atteindra elle vous touchera ولو كنتم même si vous arrivez à atteindre les étoiles les astres l'ange de la mort il viendra chercher l'âme de cet être humain donc هذا on a aucun doute فكذلك n'est aucun doute dans ton risque comme ton ajal il a été décrété déterminé فهكذا تنرس ني أوكن دوت في هذا قال وأنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي لما رأيتك قاعدا مستقبلي أيقنت أنك للهموم قرين فارفض لها وتعرى عن أثوابها إن كان عندك للقضاء يقين. هذا كلام كذلك جميل. أي pour repousser هذه الهموم إلى citer la situation d'un musulman qui a des soucis. Qu'il y a des soucis et ça se voit dans le visage, dans le comportement, dans la vie de celui qui a des soucis, ça se voit. فقال فرفض لها وتعرى عن أثوابها. Aïe, délaisse. Il a comparé ses soucis à un vêtement. Comme tu retires un vêtement, essaye de retirer cette chose. إن كان عندك للقضاء يقين. Si tu es sûr, tu n'as aucun doute, أن الله سبحانه وتعالى, il a tout décrété. فça va te reposer. تقدم معنا أن الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل من أسباب الراحة. Donc, il a cité cette solution. قال هون عليك وكن بربك واثقا فأخو التوكل شأنه التهوين. كذلك قال هون عليك. أي أخذ تفق du mal. وكن بربك واثقا وكن بربك واثقا. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Ce que Allah veut, ça arrivera. Ce qu'il ne veut pas, ça arrivera pas. قال فأخو التوكل شأنه التهوين طرح الأذى عن نفسه في أمره من كان يعلم أنه مضمون. نعم, celui qui place sa confiance en Allah, il sait que c'est Allah qui gère tout, il sait que c'est Allah qui élève, qui rabaisse. فلا شك أن هذا ça va être une cause أنه ça va le repousser et كذلك il aura beaucoup moins de soucis ou ses soucis disparaîtront. خاصة quand c'est des soucis par rapport au risque, par rapport à des choses de cette dunya. بعض الناس ils sont في هم وغم لماذا لأنهم ils ont un manque ce mois-ci مع أنهم في une époque أن كثير من الناس ils ont. C'est pour ça que c'est essentiel في هذا الباب de revenir au salaf et d'étudier leur biographie et comment ils ont souffert. بل la biographie de notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها l'a informé أن pendant des semaines, pendant des mois, ils ont mangé al-aswadan, de l'eau et des dattes. Rien d'autre. Elle a informé que pendant des semaines, des mois, ils n'ont jamais allumé un feu chez le prophète alayhi salatu wasalam, et pour faire à manger. Ils ont patienté. C'est afdal an-nas alayhim ridwanullah, les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des êtres humains. Nous, si on se compare à Haoula, on les prend comme modèle. Alhamdulillah. بعض الناس ils ont des soucis, ils réfléchissent, ils sont في هم وغم, alors que wallah ils ont dans leur compte en banque ce qui peut leur suffire pendant cette année et la suivante, et tu peux rajouter quelques années. فلماذا الهم? Est-ce que tu sais même pas est-ce que tu vas mourir avant d'avoir dépensé cet argent? Alhamdulillah. بعض الناس on parle à ce moment et ce soir pour manger ils n'ont rien. On doit être reconnaissant, on doit faire attention. Là, on a ta'athar bi a'da' l'islam, qui se plaignent pour la moindre des choses. Qala, rahimahullah, akhbarana Abu Khalifa, qala, haddathana Muhammad ibn Kathir, qala, anba'ana Sufyan al-Thawri, an Abi Qais, an Huzayl ibn Shurahbil, qala, ja'a sa'ilun, ila nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa fil bayt tamrah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاك ولو لم تأتيها أتتك. نعم, هذا الحديث الشيخ الألباني لا صحح dans son تحقيق de السنة لابن أبي عاصم. Ce qu'on vient de dire, cet homme qui est venu demander au prophète صلى الله عليه وسلم, il avait besoin, il n'avait pas de quoi manger. النبي صلى الله عليه وسلم في البيت تمرة, chez lui avait une date. Il y aurait d'autres choses. Fala shakannahu, il l'aurait cité. Là, il y avait une date. Falhamdulillah, nahnu ni fi khayr azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'imada, liyanna, on n'aurait pas la capacité de patienter, nahnu, à hadha al-faqr, cette pauvreté. Lakin, on ne doit pas oublier la reconnaissance. Et si on est touché par une chose, on ne doit jamais cesser de dire alhamdulillah. On a de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi boire ou dormir, fa on est fini ma azim. فالنبي صلى الله عليه وسلم il avait une date et il lui a dit hak, il lui a donné et il lui a dit لو لم تأتيها أتتك, si tu ne serais pas venu la chercher cette date, elle serait venue à toi. Et pour lui montrer en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Hadal Kaun, il a créé les êtres humains, il a créé les dates, il a créé cet homme, il a créé cette date, Allah, il avait décrété que cet homme, il mangerait cette date. Faliyad, celui qui a cette conviction, il va se reposer. Jitten. Qala, rahimahullah, wa akhbarana Muhammad ibn Ibrahim al-Shafi'i, qala haddathana Dawood ibn Ahmad al-Dimyati, qala haddathana Abdul Rahman ibn Affan, قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ما هممت برزق قط هكذا الزتاء رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم السلف ما اهتممت برزق قط il a jamais eu de souci, il a jamais pensé au risque. Qu'est-ce qu'il va manger demain, comment il va faire. On vit à une époque, ya ikhwan, wallahi anna al-ba'd, ils ont des tefkirat, des humoum, ihtimam, sur des années. Pardon, ils pensent déjà, ils ont des soucis sur leurs enfants, il va grandir, comment il va faire. Ya akhi taqillah, fi nafsik. Allahu alam, cet enfant, il va vivre amla. Et si cet enfant, il vit avec ou sans toi, son risque, il est déjà muqaddar, maktoub. Tu veux être profitable pour cet enfant, bi idnillahi azza wa jal, enseigne-lui at-tawakkul Allah. Si tu lui apprends ce chapitre qu'on étudie ensemble aujourd'hui, ça lui sera profitable, dunya wa ukhra, ici-bas et dans l'au-delà. N'aie pas peur, ton enfant il mangera comme tout le monde. Enseigne-lui din, apprends-lui cette aqidah, ça lui sera profitable. Malbard, ils ont déjà des plans pour leurs enfants, des comptes épargne, mais adri, comment ils appellent cela pour leurs enfants, des assurances vie, la khri khoufan min al faqr. Pourquoi? Ils ont de l'argent. Lakini, ils sont pauvres du cœur. Les salaf, ils avaient très très peu. Lakini, ils étaient très très riches dans leur cœur. Falihada qala al-Fudayl, mahtamamtu birizqin qat. Combien de temps il a vécu le Fudayl? Allahu alam, je ne connais pas son âge. 60, 70, 80. Il est mort il y a des siècles. Rahmatullah alayhi. Alhamdulillah, il a emporté avec lui ce qu'il a emporté. Et chaque croyant, il aime le Fudayl pour ceux qui le connaissent. Imam min a'immat sunnah. Et il était connu pour Zuhd, il était connu pour la piété, pour l'ascétisme, pour la patience. Enfin, alhamdulillah, c'est Ha'oula qu'on doit prendre en exemple. Et n'oublie pas qawluhu azza wa jal, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Tout est décrété. On répète, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de cause. Fais des causes. Lakin, al-ihtimam, les soucis, et ne penser qu'à ça, et l'excès dans les calculs, dans. Là, tout est ibnafsek. Allah, il ne te fatigue pas. Et les causes. Les causes, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu dois aller au travail, tu dois chercher un travail. Tu le fais, alhamdulillah. Tu vas au travail, tu rentres et tes soucis, ton objectif, ta préoccupation, ça doit être ta tombe. Ça va être quoi ta situation dans ta tombe? Ma fille, donnez, alhamdulillah, tu vas manger. S'il n'y a pas ce travail, tu iras dans un autre. Si ce pays, tu ne trouves pas, tu te déplaceras dans un autre. C'est très simple, Fidounia. On doit penser à la tombe. On doit penser au Sirat. Est-ce qu'on va faire partie de ceux qui vont traverser le Sirat? On doit penser au paradis et à l'enfer. Fariqun fil jannah ou fariqun fil sa'ir. Dans quelle demeure on va finir? Alhamd, ça doit être sur cela. Amma, celui qui occupe son cœur avec ce bas monde, tu n'as qu'un cœur. Il n'y aura plus de place pour l'au-delà. Ou pas beaucoup de place, ça dépend de la préoccupation. Celui qui s'occupe avec l'au-delà, comme c'était le cas de Al-Fudayl, rahmatullah alayhi, c'est pour ça qu'il a dit, il était occupé par autre chose, rahmatullah alayhi. Et le hadith ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le hadith qu'on a étudié ensemble plusieurs fois, yu'mar, قال النبي صلى الله عليه وسلم, yu'mar bi arba' kalimat. Allez, quand l'être humain est encore dans le ventre de sa mère, c'est encore un embryon. Il vient de prendre forme au bout de 4 mois. Enfin, un ange, il descend. Et Allah, il lui ordonne 4 choses. 4 choses à cet ange. Décrire son risque. Tu es encore dans le ventre de ta mère. C'est déjà tout écrit. Combien tu vas gagner, combien tu vas dépenser, combien tu vas manger, combien tu vas boire. Istarihi, akhil karim. Tout est écrit. Ta durée de vie. Ta durée de vie, qu'est-ce que c'est écrit? Même tes œuvres sont écrites. Lakin, vu qu'on ignore, nous, tout cela, on ignore, on ne sait pas. On doit faire les causes. Si, maintenant, une chose, ça peut être un risque que tu perds la vie. Enfin, fais des causes et écarte-toi. Lakin, si c'est mqaddar, c'est écrit, wallahi, voilà où tu fais la cause que tu veux. Le décret d'Allah, c'est le décret d'Allah, azzawajal. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته فلا يجب أن يحزن. Il répète souvent فلا يجب ورحمة الله عليه dans ce genre de tournure de phrase. Et le معنى c'est لا ينبغي أن يحزن, أي on ne doit pas être triste. فلا يجب أن يحزن العاقل لما يهوى وليس بكائن ولا لما يهوى وهو لا محالة كائن. نعم. لماذا؟ لأن c'est tout écrit كما تقدم. Donc il y a des choses que tu espères, tu n'arrives pas à voir. Et كذلك il y a des choses qui te touchent comme maladie ou pauvreté et l'être humain, il n'aime pas ces choses. لكن vu que c'est Allah qui a décrété ces choses et vu que Allah سبحانه وتعالى c'est le Hakim, il y a une énorme sagesse. هذا لا شك أن ça doit pousser le mu'min à patienter. Un degré encore plus haut à accepter, à être satisfait, bel à être reconnaissant. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى ربما يبتليك بشيء et c'est un énorme خير pour toi. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والله ينزل. هذا الكلام bien sûr il est pas dans روضة العقلاء. ابن تيمية رحمه الله il est venu des siècles après الإمام ابن حبان, لكن رجوت son كلام هنا للفائدة. والله ينزل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلجئه إلى توحيده فيدعوه مخلصا له الدين ولا يرجو أحدا سواه ويتعلق قلبه به وحده. الله سبحانه وتعالى من حكمته أحيانا المؤمن إلى في غفلة يتم dans l'insouciance, il se laisse aller, بل أحيانا certains péchés. Encore plus cette période, l'été, etc. L'insan, il tombe très vite fil ghafla. Encore plus ceux qui ne font pas d'effort fil ilm. Ils n'écoutent pas kalam Allah, ou kalam Rasul, ou kalam ahl al-ilm. Alayhi salatu salam, ou kalam ahl al-ilm. L'insan, il tombe très très vite dans l'insouciance. فَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشِّدَّةِ وَالضُّرِّ. Allah, il éprouve ce croyant, parce qu'Allah, il aime les croyants. Enfin, pour le réveiller, il l'éprouve avec une épreuve. Avec quelque chose, en apparence, c'est du mal, une maladie, la pauvreté, un accident. Cet être humain, il se réveille et il invoque Allah. S'il n'aurait pas eu ce problème, il n'aurait jamais pensé à invoquer Allah. Azza wa Jal. Anzuru, hadhihi al-hikma al-azima. Qala wa la yarju ahadan siwa wa yata'alaq qalbuhu bihi wahda. Ça arrive كثيرا quand le mu'min il est éprouvé une épreuve chédide et il se rend vite très content à ceux qui sont autour de lui, son argent, ses biens, c'est d'aucune utilité. Enfin, qu'est-ce qu'il fait ce mu'min? Il revient à Allah Azza wa Jal. Ada, tu le vois dans certains de nos frères qui sont atteints par des maladies graves. On nas'al Allah Azza wa Jal an yashfi marḍa al-muslimin. Ce mu'min, quand il se retrouve dans cet hôpital, cette maladie grave, ils n'ont même pas trouvé de remède. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Ça le pousse à revenir à Allah Azza wa Jalla. Son iman, il monte jiddan. Rubama, il serait resté en bonne santé, il serait fait beaucoup de mal. Donc c'est un énorme bien pour lui. فَلِهَذَا قَالَ فَيَحْصُلْ لَهُ مِنَ التَّوَكُّلْ وَالْإِنَابَ وَحَلَوَةَ الْإِيمَانِ. Son tawakkul, il augmente. Al-inaba. Al-inaba, c'est rujou ila Allah. Ça ressemble à tawba. Al-tawba avec al-a'mal. Il se repent et il fait des efforts. Et il sent ce goût. C'est pour ça que tu visites des malades, min al-mu'minin al-salihin. Et en fait, tu ressens de cette douleur, de la pitié pour eux. À l'hôpital, c'est difficile. Et rien, tu rentres chez ce malade, wallah, il est plus heureux que toi qui est à l'extérieur et qui est en bonne santé. L'imam al-Yanahu, il goûte à cette saveur de l'iman. Allah, il apaise son cœur. Qala shaykhul islam ma huwa a'zam ni'ma. Et cette épreuve, à la base, ça devient une des plus grande ni'ma, un des plus grands bienfaits pour ce serviteur. Hada, pour montrer anna al-mu'min doit accepter qadar Allah azza wa jalla. Tu sais pas où est-ce que ton bien se trouve. Ma tadri. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et adore-le. Qala rahimahullah wa anshadani Ibn Zinji al-Baghdadi la تتهم نعم لا تتهم ربك فيما قضى وهون الأمر وطب نفسه لا تتهم ربك فيما قضى. On doit pas avoir un mauvais soupçon, une mauvaise opinion sous Odhan Billah Azza wa Jal. بعض الناس quand ils sont touchés par une épreuve, on a cité l'exemple de la maladie ou autre, فيتهمون الرب عز وجل في قضائه. Pourquoi mon enfant? Pourquoi lui? Mais il n'a rien fait de mal. Et ils disent des paroles graves. Ils disent des paroles de kufr, de mécréance claire. Remets-toi en cause toi-même. Même quand on est touché par une épreuve, par une musiba, c'est à cause de ce qu'on a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala kareem, même malgré cette épreuve et ce mal, c'est un rappel pour toi. قال وهون الأمر وطيب نفسا. هون الأمر. On doit pas amplifier les choses. بعضهم صحيح, ils sont touchés par une épreuve. Et l'épreuve, sur une échelle de 1 à 100, tu peux dire 10, 20. Tellement qu'il réfléchit, tellement qu'il amplifie les choses, l'épreuve, elle monte de 20 à 80, à 60, à 70. فهون الأمر. نعم. Le fait de toujours en parler, le fait de croire que l'insan il est attaqué, le fait de croire qu'il n'y a que lui dans cette situation, ça amplifie les choses. Dis Alhamdulillah, certains ils sont éprouvés plus que toi. Dis Alhamdulillah, certains ils n'ont pas cette ni'ma de l'islam que t'as. Dis Alhamdulillah, certains ils sont morts à l'al-kufr, ils iront en enfer éternellement. Un tas, tu as encore le moyen de te corriger. قال وطيب نفس لكل هم فرج عاجل يأتي على يأتي على المصبح نعم يأتي على المصبح والممسى إن مع العسر يسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفرج مع الكرب. Quand il y a une difficulté, une épreuve, avec cette difficulté, cette épreuve, il y a la solution, il y a le remède, il y a ولله الحمد une facilité. قال أبو حاتم رحمه الله التوكل هو قطع القلب على العلائق برفض الخلائق وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر ذكر عظيم. إيه ce ذكر il est lié directement au tawakkul. لأن محول الأحوال أي celui qui est capable de changer les situations c'est Allah. C'est pour ça qu'on dit لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول, quand tu dis لا حول أي التحول من شيء إلى شيء, le fait de changer de situation, مثلا de maladie à santé, de pauvreté à richesse, d'égarement à guider, لا حول ولا قوة, et personne ne peut, personne n'a cette force, cette capacité, cette قدرة إلا الله. C'est pour ça qu'on dit لا حول ولا قوة إلا بالله. Ce dit qu'on doit le dire avec la langue, on doit le comprendre avec le cœur, et ça se verra sur nos membres. قال وقد يكون المرء موسرا في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود عنده سيا لا فرق عنده بينهما يشكر عند الوجود ويرضى عند العدم. Ça c'est une manzila عالية. Ça c'est un très très haut niveau في التوكل. أن le fait d'avoir ou ne pas avoir pour lui c'est la même chose. لماذا لأنه sait que s'il a c'est Allah qui lui a donné, il sait que s'il n'a pas c'est Allah qui ne lui a pas donné. Pour lui c'est la même chose. C'est un serviteur et il accepte tout ce qui vient d'Allah. Quand il a, ça le pousse à une autre adoration, il est reconnaissant. Même quand il n'a pas, les gens ils ont en bonne santé, lui il tombe malade, donc il n'a plus cette santé. Il perd la vue, il perd la mobilité de ses jambes. Il est satisfait. Il est satisfait parce qu'il a plus. Pourquoi il est satisfait parce qu'il n'a pas? L'être humain en général, quand il n'a pas, il n'est pas satisfait. Lakin, cet être humain, dont le cœur il est rempli de iman wa tawakkul, s'il n'a plus, il ne réfléchit pas comme les autres. S'il n'a plus, c'est qu'Allah il ne lui a pas donné. Si Allah il ne lui a pas donné, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une énorme sagesse. Donc il est satisfait. Peut-être que si j'ai la bonne santé comme les autres, peut-être que je vais m'égarer. Peut-être que je vais aller dans le haram. Peut-être que si j'ai de l'argent comme certains, ils ont des énormes sommes. Si j'ai ces sommes, peut-être que ça va me pousser à l'égarement. Donc si je n'ai pas, je dis Alhamdulillah. Et je suis satisfait. C'est mieux pour moi. قال وقد يكون المرء لا يملك شيئا من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل. إذا كان الوجود أحب إليه من العدم فلا هو في العدم يرضى حالته ولا عند الوجود يشكر مرتبته. Ça c'est un dernier, une dernière remarque importante. Ne pas croire en celui qui n'a pas, il est forcément à la khayr. Ne pas croire en celui qui ne possède rien, qui est touché par la pauvreté, forcément il place sa confiance en Allah. Bardanas, ils ont cette perception des choses. Le pauvre, il est forcément dans le bien, il est forcément modeste, il est forcément, il place sa confiance en Allah. Là, là. Pourquoi ? قال وقد يكون المرء لا يملك شيئا. Certains ne possèdent rien. من الدنيا. Pas d'argent, ils sont pauvres. قال وهو غير متوكل. Et ils ne placent pas leur confiance en Allah. Pourquoi ? قال إذا كان الوجود أحب إليه من العدم. Pourquoi ? لأن ce qu'il n'a pas, pour lui, ce qu'il pourrait avoir, c'est mieux. Et il n'est pas satisfait de sa situation. Hada, il encaisse. Il n'a pas le choix. Bel Bardoum, ils sont pauvres, ils encaissent et ils parlent très très mal. Ils ne sont pas d'accord. Et Daïman, ils se plaignent. Faoulala, chakanahoum, ils ne sont pas à la khir. Qala, falahuwa fil adam yarda halata. Il n'a pas, au lieu de profiter. Haqiqa, sha'n al-uqala, quand ils réfléchissent, ils arrivent toujours au khir. Maintenant, on qadr wahid, il n'a pas. Tu n'as pas, tu n'as pas. Autant profiter de cette situation dans l'au-delà. Tu n'as pas, tu as été privé via des dunya, les hikmatillah azza wa jal. Enfin, si tu acceptes, tu seras à la khair azim. Lakin bardoum, ils n'ont pas, ils souffrent dans ce bas monde, et kadalik, ils se font du mal pour l'au-delà. Qala falahuwa fil adam yarda halata. Il n'a pas, au lieu d'être satisfait, il n'est pas satisfait. Donc il va commettre des péchés avec son cœur et sa langue. Qala wala inda al-wujud yashkur martabata. Et en général, ceux-là, quand ils ont, ils ne sont pas reconnaissants. نعم فنسأل الله عز وجل الثبات فدرس مفيد un chapitre très très profitable sur le tawakkul. On peut résumer باختصار dans ce qu'on a lu, il y avait beaucoup de samarat, on en a cité quelques-unes. On peut ajouter au résumé من ثمرات التوكل كفاية الله لعبده من الهموم et autres. قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Celui qui est touché par des soucis, par des manques, par des épreuves, fa Allah yakfi. Allah il lui suffit. كذلك من ثمرات التوكل انه c'est une cause pour que Allah il aime ce abd. قال ما ادري, je me rappelle plus, est-ce qu'on a cité هذا dans la kalima qu'on avait fait sur mahabbatullah, comment acquérir l'amour d'Allah, et كذلك le PDF qui était sorti. Nasit, est-ce qu'on a cité plutôt ce point, et min asbab mahabbatillah at-tawakkul alayh, parce que si on l'a pas cité, faudrait qu'on pense à l'ajouter. Donc qala azza wajal inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Allah il aime ceux qui placent leur confiance, et quand Allah il aime un abd, la shak annahu il lui facilite tout. Qala, ou plutôt on peut ajouter ash-shaja'a at-tawakkul ala Allah. Ça va pousser l'insan, ça va lui donner une force intérieure et extérieure. Al-shaja'a, le courage. Ali ibn Abbas, radiyallahu anhu, قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. Cette parole azima que Allah il a cité dans le Coran, حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله, et Allah يكفينا. Et Allah il me suffit. Un tel il veut me faire du mal, un tel il manigance, un tel il ruse. حسبنا الله. Allah il nous suffit. ونعم الوكيل. Cette parole Ibrahim, il l'a dit quand il a été jeté dans le feu. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Vu qu'il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il aime Ibrahim alayhi salam, bel c'est Khalil ar-Rahman, avec le prophète Muhammad alayhi salatu salam, c'est le meilleur être humain après notre prophète Muhammad alayhi salatu salam bil ijma'. Fa Allah il a dit au feu, يا نار كوني بردا وسلاما. Enfin, ils l'ont jeté dans le feu, et le feu c'était bird wa salam. C'était frais et ça lui a fait aucun mal. Wa qalaha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète alayhi salatu salam, كذلك, il a dit hasbuna Allah wa ni'mal wakil, hina qalu la, quand ils lui ont dit inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Quand ils ont dit au prophète alayhi salatu salam, anna les gens ils se sont rassemblés min al-jazira kuffar quraish al-yahud etc pour lui faire du mal, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Shaja'a limadha li'anna li'annahum ils avaient cette aqida anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui décide, ولو اجتمعت الأمة كما جاء في الحديث لنفع إنسان أو لضره ils ne pourront pas sauf si Allah l'a décrété هذا. الحديث رواه الإمام البخاري. كذلك et هذا c'est un point important, on en a tous besoin. أن كم من إخواننا ils espèrent et leur objectif c'est de faire الهجرة. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à tous nos frères, à tous les croyants, هذه العبادة النافعة العظيمة. Et parmi les causes pour réussir, pour se déplacer, pour accomplir al-hijra, c'est at-tawakkul ala Allah. C'est une des causes les plus importantes. On le répète souvent, et on le répète pas assez. La cause pour faire l'hijra, ce n'est pas l'argent. Abadan. L'argent, c'est une cause pour prendre le billet, pour se déplacer. Quand tu arrives, louer. Non, ça, c'est. Il a que c'est une cause. Et il faut faire cette cause, il ne faut pas la négliger. Lakin, ce n'est pas ça qui te fera te déplacer. Aslan, il y en a que minan nas, ils ont l'argent, ils n'arrivent pas à se déplacer. Et kadalik, ce n'est pas l'argent qui te fera rester dans Bilad al-Muslimin. Que minan al-Muslimin, ils ont fait l'hijra, ils avaient de l'argent, ils sont retournés, ils n'ont pas pu patienter. Donc, ça nous montre que ce n'est pas ça. La cause principale, abadan. La cause principale, c'est ad-du'a. Demander à Allah Azza wa Jal. At-tawfiq. Allah, il guide qui il veut. Et placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Celui qui te donne, Akhil Karim, ta subsistance, en France ou autre. Enfin, c'est lui qui te donnera ta subsistance. Voilà où tu fais l'hijra dans le pays le plus pauvre, le pays musulman le plus pauvre. Celui qui t'a facilité un travail, un logement. Il est capable, Jalla wa'ala, il est capable de tout, de te donner meilleur fi bilad al-muslimin. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. On doit travailler هذا. Ne perdez pas votre temps, ceux qui veulent faire la hijra, dans des causes qui n'ont pas cette importance. Travaille ce point, travaille ta aqidah, travaille ton iman. Et كما فعل بعض المؤمنين depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam من السلف من الصحابة رضي الله عنهم et jusqu'à aujourd'hui ils ont fait l'hijra avec très très peu et ils vivent dans Bilad al-Muslimin depuis des années بعضهم ils sont morts ولله الحمد على الهجرة et ils avaient très très peu لكن ils avaient Allah subhanahu wa ta'ala il a mis هذا اليقين dans leur cœur cette certitude et هذا التوكل كذلك on peut finir avec أن هناك أمور كي أفبلس التوكل. Parmi les choses gravissimes, très très dangereuses, c'est du shirk billah qui affaiblissent التوكل. بل ils peuvent annuler l'islam al-mar complètement. الطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة الشرك. فبعضهم مثلا يفوي une chose. الطيرة نسيت comment ils traduisent. Avec l'exemple, ça va être clair. بعضهم ils sortent, ils voient un chat noir, ils pensent que خلاص. Il va arriver un malheur, il a akhiré. Ça, c'est at-tayra. Ça vient du mot tayr. À l'époque, quand il voyait des oiseaux aller à droite, il disait, khalas, ça va être une bonne journée. Quand il voyait ces oiseaux aller à gauche, se diriger, voler vers la gauche, il pensait que ça allait être une mauvaise journée. Ça vient de ce mot at-tayra. Hada la shakana, ça fait beaucoup de mal à tawakkul al-insan. Billah alayk, qu'est-ce qu'un chat noir il va faire? Passer sous une échelle, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? خرافات كثيرة في هذا الباب. كذلك يا إخوان، ce qui affaiblit التوكل. Et on peut finir avec un lien direct avec الهجرة، c'est الاعتماد على الناس. الاعتماد على الأسباب كما تقدم معنا، le fait de s'accrocher aux causes. Pensez que la cause c'est الطيارة، نعم، ils traduisent par les augures، كما أفاد واحد جزاه الله خير. نعم، الاعتماد على الأسباب. هذا صافي بوكو دو مال. لماذا؟ لان المؤمن هذا اون لا في ولا الحمد لله dans les chapitres précédents qui s'habitue qui espère des autres enfin pour lui la hijra elle va être très très difficile. لماذا؟ لان la hijra tu vas changer de pays à un autre pays, un nouvel environnement, des nouveaux voisins, nouvelle culture. Enfin celui qui a l'habitude des gens, ça peut être très très difficile. وأعظم من ذلك صافي بوكو دو مال التوكل مساعدة الكفار les aides des kafara et هذا on l'a vu et vous l'avez tous vu أظن أن صافي بوكو دو مال التوكل il sait que s'il fait l'hijra il va dans tel pays musulman dans tous les pays musulmans là il n'y a pas d'aide C'est ça la base. Encore plus pour un étranger. Tu travailles, Walillahilham, tu as ton argent, tu as ton salaire, tu travailles pas, tu n'as rien. Celui qui a l'habitude de vivre dans un pays musulman, cette façon de vivre, ça forge. C'est pour ça que tu trouves al-muslimin, al-mu'minin qui vivent fi bilad l'islam, fi bab al-tawakkul, كثير منهم ils sont à la khair. Tu trouves certains, ils ont rien, ils ont le sourire. Ils disent alhamdoulillah, on verra. Fi bilad al-kufr, encore plus en France, la France elle est connue pour les aides. Tu trouves al-Bahd, ils sont habitués depuis leur plus jeune âge à ces aides. Hatta ça affaiblit leur tawakkul jiddan. Et on l'a déjà dit, anna al-kafara, si ils donnent, c'est pas pour ton bien. بل قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé le kafara. Allah سبحانه وتعالى il sait tout, il nous a informé de leur intention quand il donne. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم, ils dépensent leur argent, pourquoi? ليصدوا عن سبيل الله, pour combattre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fatadun anta anna ha'oula al-kafara, qui critiquent l'islam nuit et jour. On prend l'exemple de la France. Ils combattent l'islam nuit et jour. Ils détestent le mu'minin. Ils combattent les sœurs avec le hijab. Ils combattent les frères en les accusant. Mouhim. Vous connaissez la situation mieux que moi? Tadun anna, ils vont te donner pour ton bien. Abadan. Wallah, ils te donnent que pour avoir une emprise sur toi. Hatta tu ne peux plus te déplacer. Tu faiblis et tu restes avec eux et ils t'imposent ce qu'ils veulent. C'est ça leur intention et c'est ce qu'on voit pour se débarrasser de hada. C'est comme des chaînes qui sont accrochées aux chevilles de la personne, autour de son cou, pour se libérer. At-tawakkul ala Allah. Ne crois pas que si tu vas fi bilad muslim, tu vas mourir de faim. Abadan. Et wallahi ya ikhwan, on qadr, tu viens dans un bilad muslim et tu meurs de faim, tu mourras ala khair. Celui qui meurt, muhajir fi sabilillahi azza wa jalla, il est ala khair azim. Walhamdulillah, on n'a jamais entendu anna. Un de nos frères, Muhajir, il est mort de faim. Bal, ba'dhum, wallahi alhamd, ils sont dans des situations tayyiba, jiddan. Fahada, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq, wa-thabat, wa-sadad, lil jami' wa naktafi bihada, et on passe au cours suivant. Inch'Allah ta'ala.